Les dieux voulant instruire un fils de Jupiter. Fable 2 du livre 11e, des fables de Jean de La Fontaine. Une expression vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org. Les dieux voulant instruire un fils de Jupiter. Pour Monseigneur le duc du Maine. Jupiter eut un fils qui, se sentant du lieu dont il tirait son origine, avait l'âme toute divine. L'enfance n'aime rien. Celle du jeune dieu faisait sa principale affaire des doux soins d'aimer et de plaire. En lui, l'amour et la raison devancèrent le temps dont les ailes légères n'amènent que trop tôt, hélas, chaque saison. Flore, au regard riant, aux charmantes manières, toucha d'abord le cœur du jeune Olympien. Ce que la passion peut inspirer d'adresse, sentiment délicat et rempli de tendresse, pleurs, soupirs, tout en fut. Bref, il n'oublia rien. Le fils de Jupiter devait, par sa naissance, avoir un autre esprit et d'autres dons des cieux que les enfants des autres dieux. Il semblait qu'il n'agît que par réminiscence, et qu'il eût autrefois fait le métier d'amant, tant il le fit parfaitement. Jupiter, cependant, voulut le faire instruire. Il assembla les dieux et dit « J'ai su conduire seul et sans compagnon jusqu'ici l'univers. Mais il est des emplois divers qu'aux nouveaux dieux je distribue. Sur cet enfant chéri, j'ai donc jeté la vue. C'est mon sang. Tout est plein déjà de ses autels. Afin de mériter le rang des immortels, il faut qu'il sache tout. » Le maître du tonnerre eut à peine achevé que chacun applaudit. Pour savoir tout, l'enfant n'avait que trop d'esprit. « Je veux, » dit le dieu de la guerre, « lui montrer moi-même cet art par qui mes héros ont eu part aux honneurs de l'Olympe et grossi cet empire. « Je serai son maître de lyre, » dit le blond et docte Apollon. « Et moi, » reprit Hercule à la peau de lion, « son maître à surmonter les vices, à dompter les transports, monstre empoisonneur, comme hydre renaissant sans cesse dans les cœurs. Ennemi des molles délices, il apprendra de moi les sentiers peu battus qui mènent aux honneurs sur les pas des vertus. » Quand se vint au dieu de Cythère, il dit qu'il lui montrerait tout. L'amour avait raison. De quoi ne vient à bout l'esprit joint au désir de plaire? Fin de « Les dieux voulant instruire un fils de Jupiter » pour Monseigneur le duc du Maine. Fable 2 du livre 11e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public.